Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous sommes ensemble une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La Parole est à vous. Avec aujourd'hui, eh ben, les scouts laïcs, les éclaireurs de France, la personne d'Élodie qui est déjà venue à notre RGM, hein, au moins une reprise, présente un petit peu ce que font les éclaireurs sur le secteur, et en particulier sur le centre des tronches. Alors, si on vous demande où est situé les tronches, ben, vous pouvez dire que c'est sur le plateau, là-haut, en dessous de Giremont, sur la commune de Saint-Étienne-lès-Remiremont, tout près de la commune de Remiremont, de Dommartin, etc. Hein, c'est un très beau centre, entre parenthèses, où il se passe plein de choses, et ça mérite d'être connu, n'est-ce pas? Hey, bonjour. Bonjour, Élodie. Alors, tu nous rappelles un petit, quelque peu ce que sont les éclaireurs de France, hein, parce que c'est de ça qu'on va beaucoup parler aujourd'hui, de l'activité des éclaireurs de France aux tronches, mais pas seulement. Et oui, et donc ben voilà, donc le Centre des Tronches fait partie de l'Association des éclaireuses éclaireurs de France, association nationale de scoutisme laïque. Donc on a plus de 30 000 participants, des bénévoles. C'est un mouvement de jeunesse ouvert à tous. Voilà, donc des unités de scoutisme. Quel que soit l'âge. Alors évidemment, c'est des unités de scoutisme qui sont ouvertes aux enfants à partir de 6 ans et qui se déclinent en plusieurs branches, donc les lutins, le louveteau. Les 6-8 ans. Ensuite, on a les lutins 6-8 ans, les louveteaux 8-10 ans, les éclés et ensuite les aînés. Et ensuite, on a les plus de 18 ans qui sont les JAE, qui regroupent des bénévoles ou des services civiques volontaires. Alors, le scoutisme a une lointaine origine, bien sûr, hein, Baden-Powell, etc. Mais qui sont ces véritablement? Comment ce phénomène, enfin ce mouvement éclaireur de France est né? Oui, t'as pas trop l'histoire, l'histoire en main. Ça a toujours existé, pratiquement. Hein. Bien avant toi et ça continuera bien après toi. Voilà. Ouais, c'est ce qu'il faut dire. Oui, l'association des éclaireuses et éclaireurs de France a fêté ses 100 ans il y a quelques années déjà. Et, 100 ans. Oui. Ouais. Et le Centre des Tronches a fêté ses 60 ans en 2017. 60 ans. Donc juste, ça a démarré un peu après-guerre, quoi. C'est ça. Dans les années 50. Le Centre des Tronches, c'était une ancienne ferme qui a été rachetée donc, par les éclés et qui a été du coup réhabilitée pour pouvoir accueillir dans le bâtiment des groupes et des animations. Tu me décris un peu ce bâtiment? Oui. Hein. Alors, il n'a plus rien de la ferme d'origine. Non, c'est sûr. Quand vous arrivez là-haut, en fait, vous voyez donc un grand bâtiment entouré, on monte, et donc on arrive là-haut, il y a un grand terrain. Voilà, qui est bordé par la forêt. Et il y a un bâtiment. Donc on entre dans le bâtiment, c'est un grand hall d'entrée avec des salles d'activité et les bureaux. Et puis donc c'est l'accueil. Et ensuite, vous avez de part et d'autre du centre du bâtiment, les hébergements. Donc d'un côté, on a des salles à manger avec la cuisine, une cuisine collective, des sanitaires, et à l'étage, on a des chambres. Et de l'autre côté du bâtiment, c'est un gîte de groupe de 16 places qui permet aussi d'accueillir soit quand on a des grands groupes, on complète avec le gîte, ou alors des plus petits groupes de 16 personnes qui ont besoin pour une fête ou pour un week-end d'hébergement, et peuvent louer le bâtiment. C'est-à-dire que c'est un centre ouvert à tous. C'est ça, c'est un centre ouvert à tous. Donc on fait principalement dans nos activités des séjours, des classes découvertes, des formations BAFA. On fait aussi des animations comme on a pu faire pendant les vacances de février avec la semaine malgache. Et on permet aussi aux particuliers ou aux associations de louer le bâtiment en gestion libre, que ce soit pour des fêtes de famille, par exemple, des anniversaires, des mariages, ou pour des associations, de faire des séminaires, ça peut être des réunions, enfin voilà. Donc on peut louer soit les salles, soit l'hébergement complet, voilà. D'accord, plusieurs formules possibles. C'est ça. Il suffit de prendre contact avec... on donnera les coordonnées plus tard. Mmh. Ouais. Alors, l'animation de ce centre est quasi permanente. On est ouvert toute l'année. C'est ouvert toute l'année. Ouais. C'est toi la coordinatrice. C'est ça. Donc, et puis souvent, y a une équipe autour, bien sûr, de toi, il y a d'autres animatrices. Il y a des animateurs, il y a aussi des volontaires en service civique. Oui. Donc là, les animateurs, on les recrute sur nos événements comme les classes découvertes et les séjours. Les volontaires, on en a toute l'année sur des missions autour du jardin et de l'animation. Et voilà, on cherche encore justement des volontaires, parce qu'on a remis en place une offre de mission sur les animations. On va arriver sur la grosse période où justement on aura les classes, les séjours, donc c'est là où on a besoin aussi. À partir de quand ? Fin avril ? Les premières classes arrivent début avril, ensuite on a le BAFA. Et à partir du mois de mai aussi, on commence aussi à avoir les classes, ça se remplit. Et en juillet, les séjours... un peu plus longs. Voilà. Et donc du coup, on a remis l'offre de service civique pour un volontaire sur la mission animation, mais c'est toujours autour des activités nature. Et on cherche aussi là, des animateurs encore pour les classes. Donc, pour faire des animations autour de découverte de la forêt, découverte du jardin. Ça peut être des animations autour de la mare pédagogique ou de la ferme, parce qu'on a des chèvres, on va avoir des poules et des lapins bientôt. Ah bon ? Quand il va commencer à faire un peu plus chaud. Voilà. J'ai bien connu les chèvres. Et on accueille aussi des volontaires internationaux. Donc on a eu Hortensia qui est venue à la radio. Elle est venue donc avec l'association Timoka. C'est ça. Donc elle venait de Madagascar et elle était là de octobre à début mars. Elle est partie il n'y a pas très longtemps. Et on a normalement une Serbe qui devrait arriver bientôt. Les conditions, bien sûr, que les démarches administratives, les passeports, tout ça soit en règle. Ce qui n'est pas toujours évident, paraît-il. N'est-ce pas ? C'est ça. Non, mais voilà, on espère qu'elle arrive. Hein, voilà. Oui. Et sinon, en ce moment, on a déjà une volontaire qui est chez nous, qui s'appelle Marie-Alice, et qui s'occupe du jardin, donc développement des animations autour du jardin, pédagogique. D'accord. Alors, reparlons voir un petit peu de ces services civiques, parce que nous-mêmes, on est très ouverts aux services civiques, puisqu'on recrute régulièrement des services civiques, d'ailleurs, à la radio locale. Alors, quel est vraiment le lien entre les services civiques, services internationaux, finalement, et puis les éclaireurs ? Comment ça se passe ? Alors, on a, au niveau national, un pôle qui s'occupe en fait de ça s'appelle l'équipe internationale, qui s'occupe de toutes les actions qui sont menées au niveau international. Et donc c'est pour ça qu'on a pu cette année recevoir des volontaires qui venaient de plusieurs pays. Nous on a eu Madagascar, mais je sais que dans d'autres centres permanents ils ont eu d'autres volontaires d'autres pays. Et donc on mène des actions autour des objectifs de développement durable proposés par l'ONU, qui est chez nous, donc c'est le programme Alter Ego. Alter Ego, c'est un programme qui regroupe plusieurs objectifs de développement durable et sur lesquels on essaye d'insérer nos activités dans le centre. Donc les volontaires... Tu pourrais donner des précisions par rapport à ce programme ? Par exemple, on a 10 objectifs qui sont, par exemple, l'interculturalité, la rencontre de l'autre. Bien sûr. On a la paix dans le monde. C'est plusieurs objectifs. Ça peut être l'environnement, par exemple. À chaque objectif, on peut mettre en place des animations en prenant en compte qu'est-ce qu'on peut développer, avec quelle tranche d'âge, quel type de public. Avec quels partenaires de terrain aussi. Les partenaires avec lesquels on peut travailler, voilà. Et donc nous, avec Hortensia, on avait pris la thématique interculturalité et rencontre de l'autre pour pouvoir mettre en place la semaine malgache qui rentrait donc dans cette action Alter Ego. Tu pourrais faire un rapide bilan de cette semaine malgache. Je pourrais le faire aussi, puisque vous aurez assisté à différentes manifestations. Mais enfin, on n'a pas eu matériellement le temps de répercuter sur les ondes les différentes journées, journées d'animation qui ont eu lieu aux tronches. Donc, la semaine du 11 au 14. du 11 au 14 février. Oui, bah, alors c'était... L'année, je nous avais quittés là-haut. C'est vrai. Le plateau. La neige commençait à fondre à ce moment-là. Ouais. Alors, en fait, c'était une semaine d'animation. Donc, chaque jour, on avait proposé une animation différente. C'était une semaine d'animation en famille. On avait proposé donc aux parents de venir avec leurs enfants. La première journée, c'était une journée qu'on avait proposé au départ de la mettre au jardin, donc décoration du jardin. Mais comme il y avait encore de la neige le premier jour, on a fait les activités à l'intérieur. On a... Donc, proposer une activité de déco-récup. Donc, c'était avec du matériel de récupération, bouteilles de lait, bouchons de bouteilles, etc. Des petites activités manuelles. Donc, c'était la première journée. Donc, on ne savait pas vraiment si ça allait bien marcher. On ne savait pas qui venait. Enfin, c'est vrai que cette première journée-là, on était un peu... Vous aviez déjà une expérience antérieure par rapport à cette animation jardin? On va dire. En fait, depuis que moi je suis au centre, c'était la première fois qu'on mettait ce genre d'animation en place, en dehors des séjours et des classes et tout ça. C'était la première fois qu'on mettait en place une semaine comme ça. D'autant plus qu'on était encore en hiver. Justement, c'était aussi pour dynamiser un peu la période où on n'a pas trop d'activités. Ça a permis d'amener du monde dans le centre. Et finalement, ça a quand même bien fonctionné, puisque la communication qu'on avait faite et tout ça, on a eu des enfants sur cette journée-là, et ça a bien marché. Les enfants, ils étaient super contents, ils sont repartis avec leur petit pot et tout. Enfin, vraiment, ça s'est super bien passé. La deuxième journée, donc c'était le mardi, c'était journée jeu en famille. La journée, elle avait été organisée en partenariat avec la ludothèque éclaireuse éclaireur de France de Metz. Donc à Metz, on a une antenne. Les éclaireurs ont leur propre ludothèque. C'est ça. À Metz, ouais, voilà. Et du coup, on travaille ensemble puisque nous, on est en Grand Est, si vous voulez. On travaille, donc il y a un pôle régional et on travaille ensemble en général sur des séjours, sur des activités, les formations et tout ça. Donc on s'est dit pourquoi pas appeler la Ludo et dire venez chez nous et voilà, ça a offrir permis, des actions concrètes aux groupes qui peuvent venir, aux c'est jeunes. Ça. Voilà, donc en gros, on a fait de la communication autour de cette journée parce qu'on a la ludothèque vient pour faire fabriquer des jeux aux enfants. Donc elle est venue avec le matériel et tout ça. Et c'est vrai que c'était intéressant en fait de travailler ensemble. C'est plus sympa en fait. Oui, Hortensia manier la scie. Et puis pyrogravure et tout ça. Enfin, c'était vraiment sympa. Et les enfants sont tous repartis avec leur jeu à la fin de la journée. Enfin, c'était vraiment chouette de les voir bricoler comme ça et pouvoir repartir le soir avec leur petit objet et pouvoir aussi jouer. Jeu malgache. Ouais. Oui, c'était un jeu malgache. Donc après, là, c'était la commande du centre à la ludothèque. C'était, qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer comme jeu qui sort de l'ordinaire et qui soit en rapport avec la semaine malgache. Donc forcément, elle avait deux idées. Elle avait un catalogue de jeux du monde. Et du coup, elle a aussi ramené des jeux l'après-midi pour découvrir d'autres jeux avec les enfants. Donc le mercredi, c'était le repas malgache. Voilà, on a eu beaucoup de monde et vraiment, on était vraiment super contents. Sympa. C'était très, très sympa. Le repas était bon. On a eu une cinquantaine de personnes qui sont venues manger. Et vraiment, c'était, euh, C'était des le belles rencontres. Le centre a fait le plein. Hein. C'est ça. Alors là, on a rempli la salle. Mais vraiment, c'était, ce qui était super intéressant, c'était aussi de rencontrer toutes les personnes qui sont venues, donc des associations, des voisins qu'on ne connaissait pas. Mais vraiment sympa. Et on a remarqué aussi que pas mal de gens se connaissaient en fait déjà. Et ça a permis de faire des petits groupes autour du repas, et c'était vraiment, vraiment sympathique ce repas-là. C'est vrai qu'une association comme Simoka draine en son sein, et puis à la périphérie, énormément de personnes. Hein, donc c'est une association de coopération avec Madagascar qui intervient depuis plus de 20 ans. Ça permettait aussi de nouer des contacts, un partenariat avec Simoka, bien sûr, mais avec d'autres, hein, d'autres qui étaient directement intéressés par cette semaine malgache. Mmh. Et puis cette ouverture. C'est ça. En fait, j'étais super impressionnée par la facilité de Hortensia à créer des liens. Oui. Hortensia qui est arrivée quand même en octobre et en fait au mois de novembre. Qui chantait à longueur de journée. Hortensia, elle a illuminé le centre. Tous les jours, elle chantait. On savait qu'elle était là parce qu'on l'entendait, même quand on ne la voyait pas. Et en fait, elle a rencontré des personnes au mois de novembre quand on avait fait une activité avec l'association culturelle du Rumont qui était venue au centre. Donc elle a rencontré des personnes d'origine malgache et du coup elle a gardé des contacts et ça a permis de créer du réseau autour de la semaine interculturelle et d'amener du monde en fait. Mais c'était vraiment chouette qu'elle ait su aller vers les gens et comme ça prendre les contacts facilement, dont toi. Enfin, la culture française, ça facilite quand même beaucoup les choses, quoi. Ouais. Hein, moi-même, si elle ne comprenait pas toutes les subtilités de la langue, surtout avec un accent vosgien, avec des expressions vosgiennes, n'empêche qu'elle en a gardé un bon souvenir, semble-t-il. Ouais, elle s'est vraiment bien débrouillée. Et puis même, au bout de 5 mois de présence, elle a quand même fait évoluer son français. Donc, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││► de la danse africaine, de la musique, des percussions, du chant. On a accueilli le centre de loisirs de Saint-Étienne-lès-Miremont, qui sont venus avec 24 enfants, avec leurs animatrices. Il faut savoir que le centre de loisirs, on l'accueille aussi pendant nos séjours. Et du coup, c'était bien cette semaine aussi. On leur a proposé ça rentrait dans leur thème. Donc c'était parfait. Et ce qu'ils ont fait... Donc on a eu aussi d'autres enfants. Hein, on a eu une quarantaine d'enfants ce jour-là. Et ça a permis aussi de créer, justement, on avait cette envie-là de créer une correspondance avec les unités de scoutisme à Madagascar. Puisque Hortensia est scout à Madagascar et du coup elle a ramené les lettres chez elle pour pouvoir faire des échanges de courriers avec les enfants d'ici et les enfants scouts de Madagascar. Donc c'était vraiment une grosse journée. Elle a tissé des liens aussi avec Simoka. Oui, voilà. Donc elle va pouvoir justement. Qui intervient à Madagascar. Oui, tu ne le savais peut-être pas. Elle me l'a dit justement. Et elle m'a dit qu'elle allait revoir les gens quand ils viendraient à Madagascar. Elle allait les contacter. Coucou. Elle pourra nous écouter de toute façon sur Internet, éventuellement. Mm-hmm. Et puis un petit coucou aussi à l'association de Simoka qui a donné un coup de main aussi pour la réussite de cette semaine interculturelle de Madagascar. Et puis surtout, un grand merci, bien sûr, à Hortensia. Son prénom malgache, je n'arrive pas à le retenir. C'est Chaloui. Voilà. Et puis peut-être qu'on reverra un jour. Et puis bon, aussi, place à la coopération internationale. Mm. Alors, Jovana. Oui. C'est Jovana. qui vient de Serbie. Donc, pour l'instant, je la connais pas encore. On a échangé quelques mails pour les formalités administratives, mais c'est vrai que pour le moment, on attend qu'elle arrive. Or, c'est quoi le programme ? Eh bien, justement, avec elle, on allait voir si on pouvait, en fonction de son arrivée, si on pouvait justement remettre en place des animations du même genre qu'on a mis sur la semaine interculturelle, mais peut-être plus souvent, par exemple le mercredi après-midi, ou même pendant les vacances de Pâques, voilà. Les contrats civiques, c'est... C'est 5 mois, 6 mois. C'est 6 mois. Sur l'international, ils viennent 5 mois en France et ensuite ils restent encore 1 mois dans leur pays pour faire un bilan de leur mission. D'accord. Voilà. C'est le cas, ça va être le cas pour Hortensia, elle aura l'occasion donc, voilà, à Madagascar avec les écureurs de Madagascar, puis vous-même de faire un petit peu le bilan, enfin le bilan qu'on a déjà fait aujourd'hui, qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Bon, après, on a écrit un bilan justement sur la semaine interculturelle avec Hortensia, qu'on a envoyé à l'équipe internationale, et on doit faire aussi un bilan de son séjour, en fait, pas uniquement autour de la semaine interculturelle, mais de toute sa mission. Donc après, Hortensia, elle a participé aussi au groupe local qu'on a aux Tronches. Donc on reçoit le samedi des enfants. Elle a aussi participé aux animations. Donc il y a ça, il y a aussi le fait qu'elle était dans le centre et elle a mis en place plein d'autres choses. Elle a fait du bricolage, elle a construit des poubelles de tri, elle a fait des décorations. Donc tout ça, en fait, ça rentrait aussi dans sa mission. Et justement, on doit faire le bilan de tout ça sur le dernier mois. Enfin, un partage de connaissances. C'est ça, partage de culture. Voilà, il y a plein de choses, en fait, qu'elle a apportées de par sa culture au centre. Et nous, on échange, on lui a donné de la neige. Oui. Parce qu'elle a découvert la neige au centre. Elle a découvert la neige, hein, parce que je crois quand même. Ouais. Mais plus au sommet de Madagascar, il n'y a pas de... Il n'y a pas de neige éternelle. Alors donc. Non, mais elle est partie vraiment en disant que son expérience, c'était très très enrichissant pour elle, et elle est très contente d'avoir fait cette mission. Quoi. Oui. Elle m'envoie encore là. Bon, elle est partie il y a une semaine, mais elle m'envoie encore des messages et tout ça. Ah oui. Ouais. Elle dit les chèvres me manquent. Les chèvres. Oui. Oui, alors, donc les perspectives, hein, on va en parler un peu plus longuement, on va peut-être s'accorder une pause musicale. Tu m'excuseras, on n'a pas eu trop le temps de trouver un titre. Hein, on va faire confiance à Marcus donc pour nous trouver quelque chose comme pause musicale. Voilà, t'en as rien à foutre de ma part féminine. Tu veux un mec qui sent sous les bras, qui sent à peu près tout sauf la naphtaline. Un mec qui en a, un mec qui en a du cambouis sur les pattes, pas un mec qui en a gros sur la patate. Tu veux un mec qui bouffe des steaks. Je veux surtout pas un mec qui kiffe le tofu, qui fait des masques aux concombres, qui te reconnaît jamais le lendemain dans la rue, qui marche à l'ombre. Un mec qui en a, et pas que dans les fouilles. Un mec qui en a à revendre des douilles. Tu veux un mec avec deck. Un vrai, un mec qui te saute dessus. Salut, c'est quoi ton 06? Un genou en terre, pieds nus dans la rue, le nez dans ta matrice. Un mec qui répète sur un ampli de 400 watts. Un mec qui s'en jette derrière la cravate. Tu veux un mec, pas un blanc bec. Qui n'appelle pas sa mère tous les dimanches soirs en lui disant que tu es méchante, que tu l'obliges à faire l'amour dans le noir en écoutant Richard Cochiante. Un mec qui en a une seule crème de jour, pas un mec qui en a trop peur de l'amour. Tu veux un mec, pas un ex. « tes ex, t'en as déjà une sacrée collection. Sur une plaque de liège, ça commence à ressembler à des papillons. Pris à leur propre piège, un mec qui en a de sacrées auréoles, mais sous les bras, pas au-dessus du col. Tu veux un mec sans deck. Mais tu veux par-dessus tout qu'il te fasse la cour pendant au moins des décennies. Qu'il t'écrive de longues lettres d'amour qui fleurent bon Giorgio Armani. Moi, ce que j'en dis, j'en ai rien à foutre de votre part féminine. Je veux un mec qui sent sous les bras, qui sent à peu près tout sauf la naphtaline. Un mec qui en a, un mec qui en a du cambouis sur les pattes. Pas un mec qui en a gros sur la patate. Je veux un mec avec moi. Et bien voilà, nous reprenons l'antenne avec Elodie. Elodie, qui est scout laïque des éclaireurs de France, éclaireurs au féminin. Mais en fait, on ne regarde que des filles, hein, Outranche. Outranche, là, on était une équipe de filles, ouais. Donc, depuis que Thomas, notre animateur, est parti fin décembre, on n'est plus que des filles. Donc, non, on a quand même le responsable du comité de gestion du centre, qui est Maurice. Donc, qui est du secteur. Donc, non, lui, il est de Metz. Ah oui, c'est quand même pas la porte à côté. Quoi. Non, mais le comité de gestion du centre était élu à la dernière assemblée plénière au mois de novembre. Et donc, Maurice, qui était trésorier, a été élu responsable pour cette année. Voilà, donc toute l'équipe a été renouvelée. Rassurez-vous, les garçons sont admis. Hein, bien sûr, on les attend, venez. D'ailleurs, on a pu voir quand même quelques éclaireurs venir à la semaine malgache, des jeunes. Mm-hmm. Des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, des parents, on a eu des enfants, on a eu aussi, voilà, on a eu l'équipe internationale, voilà. Il y a un recrutement local parmi les éclaireurs quand même. Pour les unités de groupe, de scoutisme. Oui, on cherche toujours des animateurs. Mais je parle aussi parmi les jeunes. Ici, il y a des petits groupes qui se mettent en place. Évidemment, il faut aller vers Golbet, vers d'autres. Non, on a un petit groupe, justement, Lutin-Louveteau, au niveau du centre. D'accord. Donc, on a 6 enfants pour l'instant, mais en fait, on accueille tous les enfants qui ont envie de faire des activités de pleine nature, d'apprendre les techniques de scoutisme. On a une animatrice qui est là, qui s'appelle Elodie aussi. Rappelez peut-être quand même un peu les valeurs pour les enfants, les parents qui seraient... Puis d'ailleurs, ça c'est beaucoup dans la même famille, hein, souvent. Oui. Souvent, les jeunes ont pris, j'allais dire, la succession des parents. Puisque les parents ont aimé ça, pourquoi qu'ils n'auraient pas donc initier leurs jeunes au scoutisme. Mm-hmm. Alors, les renseignements en réservation, c'est 238 chemin des Tronches à Saint-Étienne-lès-Mermont, hein, comme on disait. Bon, c'est un petit peu fléché, mais il faut quand même trouver. Ouais. Hein, c'est la rue des Tronches tout en haut. Il faut sortir de la voie rapide au niveau de la sortie Vecou. Et monter dans la forêt. Oui, c'est le plus simple, Vecou-Dommartin. Oui, c'est ça. Vecou-Dommartin, puis monter dans la forêt, il y a quoi, 4 km à peu près. Puis on arrive sur le plateau. 5 minutes, on est en haut, quoi. Il faut monter. Une fois qu'on arrive là-haut, on arrive aux Tronches. On connaît aussi l'Envol. Oui, mais c'est après l'Envol, qui est aussi notre partenaire de temps en temps. C'est dans le même secteur. C'est ça. L'Envol est juste en dessous. L'Envol, il y a la Croisette pas loin, la Vigotte. La Croisette des Rivales, bien sûr. Voilà, la Croisette des Rivales et la Vigotte. Qui est scellée pour autre chose. Et voilà, on est dans ce secteur-là. Pour aller donc autrement, renseignement, réservation, 03 29 61 06 26. C'est le numéro du centre. Ou bien le portable d'Elodie, je suppose que c'est ça, 06 11 51 88 95. Mm-hmm. On est sûr de te trouver, quoi. C'est ça. Contre, vacances, après, il faut souvent laisser des messages, mais je rappelle quand il y a des messages. Systématiquement. S'il n'y a pas de message, ça rappelle pas. Bah oui, c'est sûr que... c'est sûr qu'autrement, tu serais vite envahi, quoi. Voilà, donc, les valeurs... Mm-hmm. Parce qu'il y a quand même... autour des éclairs, mm-hmm. des éclaireurs, l'association laïque des scouts français, donc des valeurs qui sont mises en avant, hein, des séjours coopératifs mm-hmm. en pleine nature, les activités scouts sont adaptées à tous les enfants et jeunes de 6 à 18 ans, chacun peut trouver sa place et s'épanouir. Nous accompagnons, disait l'éclaireur, le parcours de formation et d'engagement. Alors ça, voilà, je voulais préciser, c'est qu'en fait, on accueille justement dans les unités de scoutisme, les jeunes qui ont envie, par exemple, de se former au BAFA, peuvent s'engager bénévolement auprès du centre ou auprès d'un groupe. Il y a un agrément pour le BAFA. Voilà, et nous, en fait, on peut l'aider à passer son BAFA en l'intégrant à nos formations. Même financièrement, voilà, on lui fait passer le BAFA, ça lui permet justement à ce jeune qui a envie de se lancer. Malheureusement, ce n'est pas gratuit. Quoi. Le BAFA, c'est trouver une source de financement, évidemment, il faut bien financer cette formation. Voilà, ça peut passer par le bénévolat, ça peut passer par un engagement bénévole, mais après, il y a toujours des organismes qui aident aussi à financer le BAFA. Après ça, il faut se renseigner auprès de la CAF, des communes, etc. Je ne peux pas dire ça parce que ça reste du cas par cas, mais en tout cas... si un jeune est intéressé pour passer son BAFA, il peut nous appeler. On fait les formations BAFA, d'ailleurs, c'est bientôt. C'est bientôt que ça ? Oui, on a une formation. Vacances de Pâques ? Aux vacances de Pâques, du 6 au 13 avril. Ah oui, c'est tout proche. Oui, ouais, c'est dans 3 semaines, je crois bien. Et voilà, on a 2 sessions, d'ailleurs, on a un... 6 jeunes, pas plus, à la fois. Ah non, là, on a ouvert 20 jeunes, hein. Il peut y avoir un groupe de 20 jeunes qui, effectivement, peuvent être formés en BAFA. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, on dit 20 jeunes à peu près, surtout sur les bases. Mais l'année dernière, on a eu 22, 23, je crois. Donc ça, on est ouvert. Quoi. Au terme de ce stage, donc, il y a délivrance d'un diplôme. Alors, il y a trois niveaux pour passer le BAFA. C'est-à-dire, il y a la formation générale, donc, qui est le premier stage, qui se déroule sur 8 jours. La formation générale BAFA, là, c'est celle qu'on propose du 6 au 13 avril en internat. C'est toujours mieux. Ou alors en externat, pour ceux qui vraiment ne peuvent pas faire autrement. Ça s'adresse à quelle classe d'âge ? À partir de 6 ans ? Le BAFA, c'est à partir de 17 ans. 17 ans. Mais après, c'est ouvert à tous. Et c'est un diplôme, c'est un brevet, donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur qui est valable toute la vie. Donc la formation générale, c'est vraiment sur 8 jours où on apprend à construire les projets, c'est pour échanger, partager les valeurs, acquérir des connaissances techniques, animer un groupe d'enfants forcément, alors les jeux, l'expression, les projets, connaissance de l'enfant, la législation, la sécurité. Et donc ce premier stage-là, une fois qu'il est validé, il faut faire un stage pratique de 14 jours en accueil collectif de mineurs. Ça peut être dans une colo, ça peut être dans un centre de loisirs sans hébergement, enfin voilà. Et une fois qu'on a passé les 14 jours là et qu'ils sont validés, il y a un troisième stage qui est l'approfondissement. Mais ça vous pouvez le vous pouvez le valider, vous pouvez le tout mettre à fait. En place. Et une fois qu'un jeune a passé sa base chez nous, il peut très bien postuler pour travailler sur nos colos l'été et valider son stage pratique et ensuite finaliser son BAFA avec l'approfondissement. Donc le stage d'approfondissement, c'est minimum 6 jours. Là, on en propose un justement aussi du 6 au 13 avril, c'est camping et mini-camp. Nous, là, le stage, c'est... Il faut avoir fait les 2 premiers stages. Ah oui, il faut avoir fait les 2 premiers stages. Pour accéder à ce type de formation. Il faut avoir fait les 2 premiers stages et qu'ils soient validés les 2. Et là, donc, la formation qu'on propose, donc approfondissement camping et mini-camp, c'est une session thématique qui permettra aux jeunes d'organiser et de tester une randonnée en exploration. Donc là, c'est un stage en internat qui se déroule sous tente. dans le jardin. Voilà, donc ils vont faire des constructions, ils vont apprendre tout ce qui est intendance et cuisine sur feu. Ils vont apprendre la lecture de cartes, l'orientation, utiliser une boussole. Voilà, les animations qu'on peut faire dans la nature. Toujours de la législation, hein, ça, voilà, pour savoir comment gérer son centre, apprendre des veillées, des activités manuelles, etc. Toujours en rapport là avec les campings et mini-camps, la nature. Voilà, donc ça, c'est le stage d'approfondissement qu'on propose aussi pendant les vacances de Pâques du 6 au 13 avril. D'accord. Donc ça, c'est ouvert à tous, évidemment. C'est ouvert, en plus, comme c'est en internat, ça peut être ouvert aussi à des jeunes qui habitent pas forcément dans le coin. Ils sont hébergés au centre. J'ai découvert aussi que chez les éclairs, il était possible de dormir sous les étoiles, mais ça, on s'en doutait bien, hein, c'est le scoutisme. Mais surtout, d'encourager le volontariat. Hein, on s'en aperçoit quand même. Mm-hmm. Il faut créer des liens avec des jeunes volontaires, c'est le cas du service civique. Oui. Voilà, d'apprendre par l'action et puis les progrès personnels. Mais il y a aussi, et je l'ai découvert, l'opportunité aux jeunes et adultes en situation de handicap de vivre des séjours en inclusion. Mmh. Ah, c'était le cas l'été dernier. Je n'en ai pas trop parlé encore. C'est vrai, j'en ai pas encore parlé. On a réussi, donc il y a 15 jours, il y avait encore le service vacances des éclaireuses et éclaireurs de France qui étaient là. Donc le service vacances, c'est les éclaireuses et éclaireurs de France ont un agrément pour les vacances adaptées et donc offre et locaux des sont offres adaptés. De... C'est ça, nos locaux sont adaptés. Donc en fait le service vacances de Caen vient chez nous à plusieurs reprises dans l'année, donc vacances de février, de Noël et au mois d'août, avec des jeunes. Donc les services vacances, ils organisent des séjours adaptés pour des jeunes, pour des enfants ou pour des adultes aussi. Donc chez nous, c'est des jeunes, des enfants et des ados qui viennent. Et ils organisent leur séjour aux tronches et ils font des activités... Dans le coin, quoi. Donc là, ils sont venus en février, ils sont allés à la Bresse, ils sont allés à Gérardmer. Voilà, ils font des balades et tout. Et nos locaux, en effet, sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite. On a aussi des chambres pour l'hébergement dans le gîte et aussi dans le bâtiment principal. Ah, ça permet d'accueillir des groupes tout au long de l'année. Enfin, oui. Bien sûr, il n'y a pas forcément possibilité de coexistence entre différents groupes parce que la place est forcément limitée. Mais après, ça peut permettre aussi, par exemple, pour des familles qui viennent faire, ils organisent un mariage ou voilà, ils prennent la salle. Ben, si quelqu'un dans leur famille ne peut pas monter les escaliers, ben, il peut quand même avoir une chambre au rez-de-chaussée. Voilà. Et voilà. c'est adapté. Donc, C'est adapté pour tout le monde. Oui. Hein, c'est vraiment un centre qui peut être ouvert. Alors, il faut prendre contact avec le centre lui-même directement. Il n'y a pas besoin d'autres intermédiaires qu'Elodie, finalement. Si, par exemple, il y a des besoins de locaux pour une association, pour des particuliers. Oui. En sachant quand même qu'il faut réserver d'avance. Ouais, assez d'avance parce que il apparaît quand même que les locaux sont souvent occupés. Et ben surtout en période de vacances en général on est plein. Après les week-ends prolongés, hein, les ponts et tout ça, c'est très très vite pris. Tout ce qui est période de printemps et tout, ben forcément c'est les périodes que les gens privilégient pour les fêtes de famille et tout ça, donc. C'est très très vite réservé. Après, l'été, on n'en parle pas, quoi. C'est bon, l'été, début juillet jusqu'à fin août, en général, c'est les séjours et puis les services vacances. Donc, on peut pas louer le. C'est réservé longtemps d'avance, année sur l'autre. Certainement. C'est ça, oui. Et puis comme nous, on organise en plus des séjours au mois de juillet, forcément, on peut pas louer le bâtiment après aller aux extérieurs. D'accord. Alors, par rapport à l'avenir immédiat, parce que là, vous fonctionnez bien sûr en association loi de 1901. Mmh. Le centre, c'est Golbey, paraît-il ? Non ? Le centre ? Vous dépendez de Golbey ? Ah non, on est un centre permanent national, on dépend du national. Directement du, ouais. du national. Oui. Hein, vous avez Golbe, des... donc c'est un Golbe aussi. Ils ont leur groupe et leur unité de scoutisme. D'accord. Mais vous êtes parfaitement autonome par rapport aux éclaireurs de France. Mmh. Ah, d'accord. Donc vous faites votre propre gestion, gestion du centre et puis des animations. C'est ça, voilà. Donc, on suit les orientations nationales, hein, donc comme je disais tout à l'heure, Alter Ego, pour tout ce qui est séjour, c'est pareil, les camps ouverts et tout ça, on a des orientations qui sont données par le national et qu'on suit pour pouvoir organiser nos animations. En particulier, question environnement, je suppose, surtout maintenant. Nous, on est spécialisés autour des animations nature parce que c'était comme ça que l'ancien directeur déjà avait orienté le centre. Donc nous, on continue parce que justement, on est un centre en pleine nature et que c'est tout à fait logique. Logique de continuer dans ce sens-là. Hein, voilà, mais après, avec la semaine interculturelle, on a permis aussi de faire d'autres animations comme la musique, le chant, de la danse et tout ça. Et pourquoi pas l'intégrer ? En fait, c'est en fonction aussi des compétences des animateurs et des volontaires qu'on reçoit. Donc, si on peut proposer d'autres animations, pourquoi pas, en fait. Parce que vous êtes quand même un endroit qui est... C'est chouette, on peut dire, hein, pas loin des 1000 étangs, c'est déjà le plateau des 1000 étangs. Mais bon, comme on est en plus, on est association de scoutisme, les actions principales, c'est toujours les activités en pleine nature. Donc c'est pour ça qu'on est un centre nature, un centre d'éducation à l'environnement. Des sorties raquettes, par exemple. On fait des sorties raquettes, on fait un peu de la maintenant, luge. Maintenant, ça commence à diminuer. Ce matin, il neigeait. Quoi qu'il y ait de la neige. Ce matin, j'arrive, il y avait de la neige, OK. Voilà, mais l'orientation aussi du projet du centre, c'est justement d'accueillir les compétences de chacun autour des activités nature, des activités de scoutisme. Donc on fait partie aussi de la plateforme TERO, la plateforme d'éducation à l'environnement du conseil départemental. D'accord. Donc on est... on dispense des animations autour de l'environnement. Il y a des partenariats avec différentes associations locales. On essaye après, quand on a besoin aussi d'essayer de travailler en partenariat. C'est important justement pour pas rester isolé aux tronches, de pouvoir s'ouvrir à d'autres associations et pourquoi pas des associations. Être mieux connu aussi, parce que c'est vrai. Connu et reconnu aussi, parce que quand on travaille en partenariat, c'est toujours mieux. Nous, on se fait connaître. Une autre association qui viendrait faire quelque chose chez nous, ça permet aux gens qui sont près du centre de connaître aussi les associations. Donc, moi, je pense que le travail en partenariat, c'est important. J'ai noué beaucoup de liens depuis quelques années avec des partenaires locaux. Ça fait un petit peu sans juste. Comme ça, là, j'arrive pas à... C'est vrai, c'est vrai que tu y es depuis quand même... Moi, je suis là deux depuis ans. Un an seulement. C'est vrai qu'il faut connaître le terrain. Tout doucement, nouer des partenariats, ça veut dire connaître, être reconnu, comme tu le dis. Voilà, c'est ça. Après, on a des partenariats qui sont là déjà depuis longtemps, notamment avec le Secours populaire français. C'est vrai. On a un séjour qui s'appelle Copains du Monde, qui se déroule au mois de juillet sur deux semaines. Qui existe depuis plusieurs années. Même avec la mairie de Saint-Étienne, on a un partenariat. On essaye justement de travailler avec la ville aussi, association culturelle aussi. Association culturelle du Rumont, par exemple, avec lesquelles on a mis en place des animations, avec lesquelles on va travailler sur le jardin partagé qui va se mettre en place à Remiremont dans le quartier du Fouchot. On essaye justement de voir les associations avec lesquelles on peut travailler. Jardin partagé à Gassy aussi. Pour nous, après, c'est vrai qu'on développe une autre partie du projet des tronches sur lesquelles on est prêt à créer des partenariats. À venir.

Et ben, que nous dis-tu ? Deux week-ends qui sont programmés. Sur le mois de mars, on a le week-end du 23-24 mars qui est en rapport avec le carnaval vénitien qui est organisé à Remiremont. Voilà. Donc on organise en fait un week-end détente ce week-end du 23-24 mars, c'est-à-dire qu'on accueille les personnes au centre, on organise des animations et de la pension complète. Et du coup, le samedi, on emmène les personnes qui viennent au centre sur des visites, donc visite de la brasserie du Pas de l'Âne. Du Pas de l'Âne. C'est où ça ? Eh bien, c'est à Remiremont, quand on sort de Remiremont. Ah oui. Pour aller vers Val d'Ajol. Sur Val d'Ajol. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc, les gens qui ont envie de venir pourront déguster donc, la bière artisanale et puis aussi découvrir cette brasserie. Et puis, le soir, on va à la parade du carnaval vénitien de Remiremont. Ou alors, pour les personnes qui n'ont pas envie de sortir, on propose une soirée fureur au centre. Une soirée, animation musicale. Et le dimanche, c'est pareil. Soit des promenades en ville avec le marché vénitien, ou alors des randonnées autour du centre pour découvrir un peu la forêt. C'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Oui, je vois voilà, ça. C'est ça. Un dépliant. Oui. En fait, les week-ends détente, c'est pour venir passer des moments en famille, entre amis. C'est sur 2 jours, c'est en pension complète. C'est 60 euros pour les adultes. Quand tu dis pension complète, ça comprend Ça comprend le repas du samedi soir et du dimanche midi, le petit déjeuner, l'hébergement. Donc, puis on s'occupe aussi de... C'est quand même... Des allers-retours. C'est quand même modique, puisque c'est 60 euros par personne. C'est pas cher. Et puis 30 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Après, il faut savoir qu'au centre, on vous propose aussi l'armoire à jeux. Donc, on a des jeux de société, on a des grands jeux en bois. Il y a le Wi-Fi. On peut organiser une randonnée dans Remiremont. Il y a pas mal de choses à faire pour les week-ends détente. On en a un deuxième qui est programmé le 4 et 5 mai. Ça reprend l'animation qu'on avait mis en place l'année dernière qui s'appelait Tous au jardin, qu'on avait fait aussi au mois de mai. C'est une activité en fait, où on nettoie entre guillemets le jardin, c'est-à-dire on tourne un peu la pelouse, on met en place les bacs pour le jardin pédagogique, on défriche. On fait quelques activités autour du jardin. La figue dans le poirier, parce que je vois que vous mentionnez la figue dans le poirier, c'est une association ou c'est les éclaireurs ? C'est une association. C'est une association qui vient vous donner un coup de main ? Non, ils ne viennent pas nous donner un coup de main. Ils ont leur terrain qui est près du Girmont. Ah, d'accord. Et je cherchais justement qu'est-ce qu'on peut faire comme promenade libre pour découvrir une activité locale. Et j'avais demandé justement si on pouvait se balader. On m'avait dit oui, donc c'est pour ça que je l'ai mis au programme. Après, c'est les personnes qui viennent sur le week-end détente, ils peuvent faire ça. J'avais mis donc soit promenade libre ou alors on peut les emmener jusqu'à Plombières pour aller au terme. Nous, c'est aussi pour faire découvrir un peu l'activité aux alentours du centre, les activités locales. Sur les week-ends détente. Essayez de trouver des partenariats avec Plombières, la société thermale, avec la municipalité. On aimerait bien, justement, si on pouvait développer ça, ça serait bien. Après, sur les week-ends détente comme ça, c'est pour ça qu'on se permet de le proposer aux gens. Parce qu'il y a les jardins en terrasse aussi, en Plombières. Il y a des tas d'associations qui sont dynamiques. Nous, le but aussi, c'est de faire découvrir, un peu ce qui se passe autour. C'est profitable pour tout le monde, bien sûr, pour une ville comme Plombières, un village comme Plombières, mais aussi pour les personnes qui peuvent découvrir un peu les Hauts-de-Vosges et ses particularités. Oui, donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Et puis quelle mission pourrait être... d'évoluer à Jovana. Jovana, j'avais un sens inverse. Alors, Yovana, donc, comme elle est sur un service civique international, elle a déjà les missions qui lui sont proposées par l'équipe internationale. D'accord. Donc, on est toujours sur le partage des cultures. Donc, ce qui vient aussi aux éclés pour les volontaires, c'est que sur l'international, ils proposent des week-ends internationaux, donc des regroupements. Quand ils vont participer à, par exemple, des séminaires comme il y avait My Europe, My C pendant le mois de février, ils leur proposent. Ça permet de proposer pas mal d'activités, justement, pour ces volontaires-là. Et au centre des tronches, Yovana, elle sera un peu sur la même mission que Hortensia, c'est-à-dire l'interculturel, mettre en place les animations, participer à l'animation des classes et des séjours, participer à la vie du centre, développer les partenariats. Enfin voilà, c'est un peu les missions qu'ont nos services civiques sur le centre. Et tu parles anglais ? Un petit peu. Je sais un peu me débrouiller. Oui, parce que Yovana, elle parle pas français. Yovana parle pas français, enfin, du moins pas encore. Bon, après, Marie-Alice, elle est bilingue. C'est l'occasion aussi de découvrir un petit peu pour elle la culture française. Non, c'est ça, peut-être qu'elle a envie aussi d'apprendre le français. J'allais dire. Non, mais je me débrouille, je pense que je saurais parler avec elle, ça va, il n'y a pas de problème. Oui, c'est comme une formule qu'a bien retenue Hortensia. Comment que c'est C'est assez vosgien, hein, c'est comme expression. Oui, parce que moi qui ne suis pas vosgienne à la base, je ne connaissais pas non plus avant d'arriver ici. Non. Eh bien, comment que ça va aller? Voilà, avec tout ça. Puis bien sûr, au point de vue partenariat, il ne faut pas hésiter à nous faire passer votre information. Hein, bien sûr, toutes les manifestations des éclaireurs, on est là aussi pour parler des associations locales. Et en particulier, bien sûr, d'une association comme la vôtre, qui participe quand même largement à la vie culturelle locale, tout comme nous. Du moins, on essaye. Et puis bien sûr, inviter nos auditeurs à participer à ces fameux week-ends détente. Maintenant que j'en ai reparlé, Oui. Je viens de temps en temps quand même nous présenter. Il faut savoir que pour le week-end détente du 23-24 mars, les inscriptions, c'est jusqu'à vendredi. Oula. Ah oui. Alors, tu rappelles en vitesse les numéros de téléphone. Oui, alors le numéro du centre, c'est 03 29 61 06 26 ou sur mon téléphone portable 06 11 51 88 95. On a aussi une adresse mail, c'est cvl-les-tronches@eedf.asso.fr. Voilà, merci. Merci Elodie d'avoir aussi répondu à notre invitation. Hein. Beaucoup de sympathie pour les animateurs des tronches en particulier, et puis les éclaireurs bien sûr, qui rejoignent aussi notre démarche d'ouverture laïque de charte à nous. Voilà. Eh bien merci Elodie, et puis à très bientôt. Hein. Bon voilà, et puis bon courage pour accueillir notre petite Serbe, hein, et puis pour les différentes animations de ce printemps, et puis été, je n'ose pas dire été, parce que ça fait ravin, on va en reparler. Ça marche. Voilà.